Chapitre 10e. Dès le lendemain, je fis ma soumission, j'implorai mon pardon. N'étais-je pas excusable, après tout, d'avoir eu trop d'ambition? J'étais jeune, ardent, enthousiaste. Dans l'aridité du travail auquel je m'étais rivé, était-il criminel de rêver l'approche de la source suprême? Oui, je n'étais qu'un élève, un enfant, un catéchumène. Je me courbais. Georges, tout heureux, m'embrassa. Sita me répondit par son sourire énigmatique, et le labeur recommença. Mais cette fois, ma voie était mieux tracée. Je savais où je tendais. La bibliothèque orientale de mes amis étant à ma disposition, je pus choisir les livres qui offraient pour moi un intérêt spécial. Et ce fut alors que je compris de quelle utilité il avait été pour moi d'apprendre la langue anglaise avec la persévérance qui m'avait été imposée. Je me remis d'ailleurs au sanskrit avec une ardeur nouvelle, et à la lumière de mon expérience personnelle, je perçai rapidement toutes les obscurités dont jusqu'alors les textes m'avaient paru enveloppés. Les Upanishads, la Bhagavad Gita, me devinrent d'une lecture facile. D'ailleurs, je m'exerçai peu à peu au jeu de ma volonté. Je savais à certains moments la concentrer, la mettre en action, décupler pendant un temps encore très court. Mais je prolongeais, peu à peu, l'acuité de mes facultés de compréhension. Bien entendu, mes amis ne soupçonnaient rien du travail intense que j'opérais sur moi-même. J'avais compris d'ailleurs que, sous peine de la vie, je devais développer progressivement, par degrés presque insensibles, l'exercice de ma force psychique. Qu'était-ce qu'une deux années d'efforts continus et soigneusement mesurés, quand j'avais la certitude de la victoire? Sita était dans tout l'éclat de sa jeunesse et de sa beauté. La sympathie que m'attirerait de sa part mon assiduité et ma docilité faciliterait singulièrement ma tâche. J'étais patient, parce que je ne redoutais rien. Jamais un homme ne franchissait le seuil de la maison. Aucun rival n'était à craindre. Puis j'estimais trop hautement l'intelligence de Sita pour supposer qu'elle pût s'abandonner à quelque vulgaire affection pour un homme indigne d'elle. La clé qui ouvrirait ce cœur devait être d'or, et cet or, ce serait ma science, à moi et ma puissance. J'éprouvais je ne sais quelle jouissance délicate et aiguë à la fois à constater la réserve avec laquelle elle ne cessait pas de me traiter depuis le jour de notre discussion. Elle m'avait pris en défiance, c'était évident. Elle eût voulu trouver en moi plus d'abnégation, plus de renoncement à toute ambition humaine. Que m'importait ? J'étais certain, le moment venu, de l'envelopper si bien de ma force, de la pénétrer si intimement de mon influence, de la soumettre si passivement à ma volonté, en un mot, de la conquérir si complètement qu'elle n'aurait même plus la notion de la résistance. Et alors, par moi, elle serait emportée dans la sphère des dominations au-dessus de toutes les créatures terrestres. Quel rêve pouvait être à ses yeux supérieur à ce rêve? À cette question, il devait m'être répondu par un coup de foudre. La deuxième année de mon stage apparent venait de s'achever, et lentement mais sûrement, j'avançais dans ma voie. J'avais su, par un examen attentif de mes paroles et de mes actes, atténuer les préventions de Sita. Peu à peu, du moins, je le croyais, je pénétrais dans son cœur et gagnais sa sympathie. Certaine de ma docilité, elle se livrait de plus en plus, m'ouvrant les trésors de son intelligence, dont la profondeur m'eût épouvanté, si je n'avais su que bientôt ma force lui serait égale. Mon amour se transformait en adoration. Depuis quelque temps surtout, sa physionomie s'était éclairée de lueurs nouvelles. Son visage était une âme, son regard était une pensée, son sourire une clarté. Était-ce la femme qui s'éveillait en cette vierge? Parfois, il me semblait surprendre en elle les signes d'un alanguissement qui m'inquiétait. Mais si timidement, je lui adressais une question, alors elle semblait s'éveiller tout à coup. « Jamais je ne me suis sentie aussi forte ni aussi heureuse, » me répondait-elle, en même temps qu'un éclair jaillissait de ses yeux. J'en arrivais parfois à m'imaginer qu'elle avait deviné la passion qui me brûlait le cœur. J'attribuais à ses résistances un amour naissant et pâleur, ces oppressions que je remarquais. J'aurais voulu qu'elle parlât, qu'elle m'encourageât. Et pourquoi ne pouvais-je pas l'y contraindre? Ma force de volonté, par suite de l'entraînement raisonné auquel je me livrais, commençait à prendre un développement normal. J'en avais déjà fait plusieurs fois l'expérience dans la rue, au théâtre. Si je fixais mon regard sur un passant, je le voyais, à mon ordre mental, ralentir le pas, puis s'arrêter. L'effet que produisait mon effort m'était connu. Ma force psychique projetée hors de moi saisissait l'individu et le contraignait à m'obéir. Aussi, dans une salle de spectacle, je forçais l'auditeur le plus attentif à détourner les yeux de la scène pour les porter vers moi. J'étais allé plus loin. Un jour, comme je passais devant un magasin, je vis un attroupement devant la porte. On venait d'arrêter un homme qui avait volé un objet à l'étalage. Mais comme il avait le temps de se débarrasser du produit de son larcin, il niait avec énergie, si bien que le doute commençait à entrer dans l'esprit des assistants. Je m'avançai et constatai à la pâleur de cet homme, à certains tics du visage dont il ne paraissait pas avoir conscience, que j'étais en face d'un alcoolique et d'un névrosé. Sans lui adresser une parole, je le regardais fixement non en plein visage, mais à la nuque. Et par un effort mental, je lui ordonnai d'avouer son méfait et de dire toute la vérité. Instantanément, il fut secoué d'un tremblement convulsif, se mit à pleurer, sous l'influence indéniable d'un ébranlement nerveux, s'avoua coupable et désigna le complice auquel il avait remis l'objet volé. Ainsi, je ne pouvais plus douter. Mon pouvoir existait, mais encore je le reconnaissais moi-même, dans des proportions très modérées. Quand j'avais accompli un effort semblable, il se passait plusieurs jours sans que je pusse le renouveler. L'influx nerveux que j'avais dépensé en quelques secondes ne se reconstituait que lentement. J'avais tenté aussi d'autres expériences, celles-ci sur des objets matériels. Il est bien entendu que par le toucher, j'ai été bien vite parvenu à produire dans des choses inanimées, comme une table, le dossier d'une chaise, des craquements, des chocs, que je ne pouvais même, jusqu'à un certain point, diriger au gré de ma volonté en les rythmant, en limitant leur nombre. Mais c'était là des jeux d'enfants qui ne me suffisaient pas. Depuis quelque temps, j'employais chaque nuit une heure à tenter d'exercer cette influence à distance. Je parvenais à projeter hors de moi une quantité de fluide psychique, une parcelle de mon corps astral, de ma force vitale, et la diriger sur un objet, un meuble, un porte-plume, une feuille de papier. Mais jusqu'ici, l'effet produit était presque nul. Comme ma volonté ne s'exerçait que dans des conditions de calme absolu, elle n'avait point l'impulsion que j'aurais obtenue en la projetant à l'état de colère ou de passion. À peine l'objet le plus petit se déplaçait-il de quelques millimètres. Même, j'avais douté de moi et avait établi un instrument de précision qui, par une méthode graphique, enregistrait ses mouvements. Ils étaient réels, donc augmentables, et cette constatation me suffisait, puisqu'elle prouvait la réalité des phénomènes et en même temps les effets progressifs obtenus par mes études. J'avais en tout cas franchi le premier stade de l'incrédulité et de la défiance, et dans ce que j'avais appris des pouvoirs des adeptes de l'Hindoustan, rien ne me paraissait plus impossible. Pourquoi ne pas admettre, en effet, que des hommes, relégués depuis de longs siècles dans des solitudes mystérieuses, eussent acquis et conservé, en se les transmettant sous le sceau du mystère, une science qui serait à celle de l'électricité, ce que l'électricité elle-même est aux notions de force que nous connaissions il y a un siècle. Celui qui, à la cour de Henri III, eût parlé de communiquer la parole en quelques secondes de Paris à Bruxelles, eût passé pour un fou. Pourquoi, dans un siècle, la transmission de la pensée, de la volonté, d'homme à homme, par un véhicule éthérique encore inconnu, ne serait-elle pas devenue chose banale? Pourquoi cette force vitale, jusqu'ici non étudiée, non développée, ne produirait-elle pas des effets qui aujourd'hui semblent œuvre de magie et qui ne seraient, une fois dirigés et canalisés pour ainsi dire, que des moyens de civilisation et de bien-être? D'ailleurs, à quoi bon raisonner? L'effet était pour moi patent, indiscutable. Que m'importait l'avenir? Que m'importait l'humanité de demain? Pour moi, un seul but existait, l'amour de Sita. Et à ce but, je sacrifiais tout, jusqu'à ma vie. Déjà, je songeais à la soumettre. Il me semblait que j'étais assez fort, et il m'arrivait, lorsque je la voyais pensive à quelques pas de moi, les yeux à demi fermés, de tenter de lire dans sa pensée ou de la contraindre à s'imprégner de la mienne. Oh, que n'eussé-je fait pour pouvoir déchiffrer l'énigme qui se cachait sous ce front blanc derrière ses yeux purs? Mais en vain, je concentrais, comme en un faisceau, toutes les énergies de ma volonté. Il me semblait qu'elle fût entourée d'un cercle infranchissable, d'une armure sur laquelle ma force se repliait, comme ferait une tige de roseau sur une plaque d'acier. Elle était avertie cependant de ma tentative, et elle tournait vers moi ses yeux surpris, rougissant comme si ma main eût effleuré la sienne, et moi je pâlissais, ayant honte de moi, vaincu par cette expression muette de reproche innocent. Alors elle était protégée contre moi. Le sera-t-elle toujours? Non, non, car maintenant j'ai acquis toute la puissance. Oh, si j'hésitais encore, si je reculais devant la lutte suprême, il me suffirait, pour vaincre mes scrupules, de me rappeler ce qui s'est passé en un jour maudit. Tous les trois, Sita, Georges et moi, nous étions réunis dans la bibliothèque. Je lisais, comme le héros du corbeau d'Edgar Poe, quelques vieux livres de légendes oubliées. Georges écrivait. Sita, assise, songeait, la tête appuyée en arrière au dossier de son fauteuil, ses mains fines et blanches étendues sur ses genoux. Tout à coup, et ceci ne paraît un prodige qu'aux yeux des ignorants, de l'air qui était au-dessus de nous, et non même du plafond, des pétales de roses tombèrent en pluie sur elle. Elle poussa un cri de surprise et se dressa. Déjà j'avais été témoin de phénomènes semblables, et je savais qu'ils ne se produisaient que lorsqu'un des mahatmas de l'Inde, celui que Sita appelait son maître, l'avertissait de quelque communication prochaine. J'étais devenu livide, sentant au cœur une étreinte insupportable. Lentement, Sita s'était dirigée vers sa chambre et y était entrée. « Georges, m'écriai-je, que se passe-t-il? Je veux le savoir, j'ai peur. » « Est-ce ce prétendu miracle qui t'inquiète ? » me répondit-il. « Tes études ne t'ont-elles pas fait supérieure à la surprise ? Si par la télégraphie psychique les mahatmas peuvent adresser à travers l'espace des paroles ou des messages à leurs disciples, pourquoi ne pourraient-ils pas leur envoyer des fleurs ? Mais je ne discute pas, je ne doute pas. Ce qui te trouble, reprit Georges, qui paraissait ne pas remarquer mon agitation, c'est que les adeptes aient le pouvoir de faire passer la matière à travers la matière, des pétales de rose à travers des murailles. Ne sais-tu pas que tout ce qui existe n'est qu'un agrégat de molécules infinitésimales dont la dissociation momentanée est possible? Ce ne sont point les roses dans leur intégralité qui ont passé à travers les matériaux de cette maison, mais les éléments dissociés des fleurs que la volonté du Mahatma a ensuite reconstitués. Et que m'importait tout cela? Ce qui m'épouvantait, c'était la science même, le pouvoir que je sentais suspendu autour de Sita, l'enveloppant, la pénétrant, la conquérant. Qu'était ma force à moi, auprès de celle-là? Et j'avais la peur de la défaite, j'avais la haine de l'adversaire, de l'ennemi. Soudain, Sita reparut. Jamais, non, jamais en vérité, elle n'avait été aussi idéalement belle. Son vêtement lui-même me parut imprégné de lumière. En ses cheveux noirs tordus sur son front, il y avait comme une poussière de diamant. J'avais reculé, haletant, comme devant une apparition. Cette transfiguration sublime me terrifiait et me ravissait à la fois. Elle fit un pas vers moi et me tendit les mains. Et elle me dit, « Comment ne suis-je pas mort de l'entendre ? » Réjouissez-vous, ami, car voici enfin que se réalise la grande joie si longtemps attendue, si passionnément espérée. Vous pouvez me rendre ce témoignage que je n'ai rien négligé de ce qui pouvait me rendre mes maîtres favorables. Mon frère et moi, dociles aux enseignements, nous nous sommes efforcés de conquérir le droit à la science supérieure. Non encore à l'initiation suprême, hélas, qui est donnée à si peu, mais du moins à l'accès du portique du temple de vérité. Et nos maîtres, tant de fois sollicités, ont enfin répondu favorablement à nos respectueuses requêtes. Je la regardais, hagard, stupide, comme un enfant auquel on parlerait une langue inconnue. Elle continua doucement, comme emportée dans un rabissement extatique. « Je vais donc pouvoir, avec Georges, me dévouer tout entière à l'œuvre sublime qui doit établir la chaîne d'union entre le passé et l'avenir, entre l'Orient et l'Occident, entre notre civilisation incomplète et les sociétés futures, tenter d'atteindre le plan supérieur de la conscience, de la spiritualité, de m'élever jusqu'à Prana. Oh, mon frère, mon ami, je vous ouvrirai la voie grande et large de la suprême vertu, et qui sait si un jour, vous-même, ne serez pas appelé à nous rejoindre. Vous partez, m'écriai-je, ne trouvant que ce seul mot, en qui se concentrait tout mon désespoir. « Demain, » fit-elle simplement. « Vous partez ? » répétai-je. « Pour quel pays ? Pour combien de temps ?»« Dans 2 jours, » répliqua-t-elle, « nous nous embarquerons sur le paquebot qui nous transportera à Madras. » Il ne m'est pas permis d'en dire davantage. « Le temps de notre absence ?» ajouta-t-elle avec un ineffable sourire. « Que puis-je conjecturer ? » Là-bas, dans les solitudes, où la science pure règne en maîtresse, où il me sera donné peut-être de comprendre le sublime secret de la nature, de l'unité, principe et but, point initial et final de l'être, où peut-être je verrai se ressouder, de la magnifique synthèse du tout, les forces éparses et purifiées, obtiendrai-je de revenir au milieu de mes frères d'Occident, leur apporter un rayon de cette lumière. Là encore est le doute, là est l'ultime angoisse, mais j'obéirai à mes maîtres. Je ne dis rien encore, ayant à la gorge la poignante constriction de l'étouffement. Sita était debout. Une main puis à la cheminée, grandie, divinisée, sublime. Elle adressa un signe à Georges qui sortit. J'étais seul avec elle. Alors, en un paroxysme de désespoir et de colère, tout mon être surexcité frissonna. Je sentis une formidable poussée de sang monter de mon cœur à travers ma poitrine jusqu'à mon cerveau et je criai « Misérable femme !» Ainsi, vous osez me dire à moi que vous partez, que vous m'abandonnez, que vous me délaissez. Mais avec toute votre science fausse, avec toutes vos illusions démoniaques, vous n'avez donc rien compris, rien deviné. Votre science, l'avenir de l'humanité, l'unité éternelle, est-ce que je sais rien de tout cela, moi ? Ma science, à moi, mon avenir, mon but, sur vous, vous seul, l'alpha et l'oméga de ma vie, c'est un mot. « L'amour !» Elle releva légèrement la tête, mais sans cesser de sourire. Alors ma fureur s'accrut encore. « Oui, je vous aime. Je n'ai de pensée, je n'ai d'énergie, je n'ai de volonté que parce que je vous aime. Et je ne sais quel sourcil hindou, charlatan ou escroc vous arrachera à moi. Ah, il y a donc là-bas aussi des captateurs de fortune, car vous êtes riche, parbleu. Et les monastères de l'Himalaya ont désir de cette aubaine. » Et vous croyez que je permettrais cela ? Puis, tout à coup, baissant la voix, je continuai d'un accent concentré, mes dents serrées, laissant à peine filtrer ma voix sifflante. « Prenez garde, Sita, Sita. Vous ne savez donc pas que moi aussi, je suis fort, moi aussi je suis puissant, et si je le voulais ?» En disant cela, je mentais. Car encore une fois, au début de cet accès de rage, j'avais tenté de la soumettre. Et toute ma violence s'était brisée contre une enveloppe de marbre. « Eh bien non, non, je ne menace pas, je supplie. Sita, je vous donne ma vie, prenez-la. Et que vous importe la science suprême ? Il n'en est d'autre que d'aimer, que d'être aimé. Il n'est pas vrai que vous aspiriez à l'éternel nirvana, union de l'âme individuelle à l'âme universelle. Qu'est-ce cela au prix de l'union vraie, présente, active, de 2 âmes humaines ? Qu'est-ce que le soi impersonnel auprès du toi et du moi, vivant et pensant ? Sita, je t'aime, ne me quitte pas, ne me chasse pas. Tu ne me réponds pas, tu veux partir. Eh bien, emmène-moi, je serai ton esclave, estron encore, ton chien. Il me sembla qu'elle était ébranlée, alors plus ardent encore, je repris. Aie pitié de moi, Sita. Reste, reste. Et d'ailleurs, à ton intelligence si sûre et si fière, de pareilles jongleries ont-elles pu s'imposer ? Que disent ces gens ? Qu'ils sont les gardiens de sciences perdues ? Quelle science ? De quelle source émanent-elles ? Ils sont doués de facultés qui nous semblent surprenantes, mais elles n'ont rien de surnaturel. Ici même, par le travail, nous les conquérons. Oui, Sita, je le sais bien, moi, qui déjà suis maître de la plupart de leurs secrets. Laisse-la, ces thaumaturges. Évadé des anciens temples d'Éleusis, jongleur qui n'en impose qu'à l'ignorance. Et cette puissance, en ce qu'elle a de réel, de pratique, nous la posséderons si complètement que par elle nous élèverons au-dessus des foules stupides. Nous serons maîtres des volontés. Nous briserons toutes les résistances. Aucun obstacle n'arrêtera notre essor. Nous agirons comme ces hommes que tu prétends si passionnés pour l'humanité. Et qui ne sont après tout que d'infâmes égoïstes, oui, égoïstes. car s'il est vrai qu'il possède ces puissances, pourquoi la conserve-t-il pour eux seuls? Pourquoi, s'ils trouvent en leurs mains la vérité, cette main reste-t-elle obstinément fermée? Orgueilleux et misanthropes, voilà ce qu'ils sont. Et ce sont ces êtres, affublés de noms sonores et grotesques, qui t'arracheraient à moi, qui me tueraient. Sita, tu ne partiras pas. » Elle était restée immobile, ne m'interrompant même pas d'un geste. Je m'étais arrêté, comme si, à la signification de ma volonté dernière, toute résistance eût été impossible. Mais en ce silence, sa voix s'éleva tout à coup, cette voix qui était sa plus grande force à elle, qui me vainquait et me brisait. « Ami, dit-elle, je te pardonne, vis et cherche la bonté. » Et sans ajouter un mot, elle se dirigea vers sa chambre. D'un bond, je m'élançai devant elle, prêt à toutes les violences, les bras tendus pour l'arrêter, pour la saisir, pour l'emporter peut-être. Mais sans que sa main me touchât, sans que sa robe même m'eût effleurée, je me sentis contraint de reculer, et je la vis passer devant moi, attristée, jusqu'à la porte qui s'ouvrit et se referma sur elle. Et je me ruai sur cette porte, la martelant de mes poings, follement, rageusement, criant, appelant, râlant. Mais soudain je sentis une main se poser sur mon épaule. Je me retournai brusquement. Un homme était devant moi, que je ne connaissais pas, grand, le teint brun, dans la force de l'âge. Je devinai instantanément que c'était là le ravisseur de Sita. Comment était-il entré? Par quelle issue? Je n'avais rien vu, rien entendu. Que m'importe d'ailleurs? C'était l'ennemi, c'était le mage maudit, dont la puissance infernale brisait ma vie. Au paroxysme de la fureur, je fis un mouvement pour bondir sur lui. « Mon frère, » dit-il, et à ce mot, et au son de cette voix, à je ne sais quelle vibration qui se produisit dans mon cerveau, je sentis, avec une soudaineté stupéfiante, mes nerfs se détendre, ma colère s'apaiser, mes surexcitations s'émietter, en quelque sorte, et tout le temps qu'il parla, je restais debout, immobile, respectueux, vaincu, sans combattre, engourdi dans une soumission acceptée. « Mon frère, me dit-il de nouveau, vous êtes au seuil du mal. Écoutez-moi, je veux, en quelques mots, vous initier à la vérité. Vous êtes l'outil courbé que je veux redresser et tenter d'utiliser pour l'œuvre du bien. En nous, vous ne voyez que la science, vous vous trompez. En nous, vous voyez des magiciens, vous vous trompez. Vous nous accusez d'égoïsme, vous vous trompez. En des temps dont l'éloignement dans le passé vous paraîtrait invraisemblable, il exista une autre civilisation que celle-ci. Vos poètes l'ont deviné. Vos philosophes en ont retrouvé le souvenir. Platon et Hérodote ont nommé l'Atlantide. Récemment encore, vos savants retrouvaient sur votre sol même les preuves indéniables de l'existence d'un continent qui reliait l'Europe à l'Amérique. Supposez un instant que ce continent, Atlantide ou de quelque nom qu'on le nomme, ait existé, que là des êtres, des hommes, aient vécu pendant une période de siècles auprès de laquelle ce que vous appelez les temps historiques valent à peine une heure. Supposez encore que ces hommes aient joui d'une civilisation supérieure à celle dont vous vous enorgueillissez, égale par exemple à celle dont jouiront vos successeurs sur cette terre dans 10 ou 20 000 années. Pourquoi limiteriez-vous le futur? Supposez toujours que ces forces que vous connaissez, chaleur, électricité, lumière, aient été étudiées, analysées jusqu'à la découverte de la force première qui est leur essence. Que ces autres manifestations phénoménales, que vous groupez sous le nom d'hypnotisme, de magnétisme, d'action suggestive, aient été reconnues dans leurs principes. Que toutes ces puissances, dont les unes sont physiques, au sens actuel du mot, et dont les autres sont immatérielles, toujours selon votre langue moderne, soient résumées en une force unique, pareille à celle que Bulwer a désignée sous le nom fantastique de Vril, dans son livre « La race future ». Supposez enfin que tout à coup un épouvantable cataclysme cosmique engloutisse les terres habitées, bouleverse les continents, détruise la race humaine. Alors, que resterait-il de votre civilisation, si parfaite qu'elle fût? Rien que le silence et l'oubli. Mais alors, supposez de nouveau que quelques hommes aient échappé à ce cataclysme et soient seuls, par conséquent, en possession des secrets de cette civilisation perfectionnée. Autour d'eux, l'évolution recommencerait, lente, mesurée, cherchant sa voie. Viendrait-il mettre au service de cette race nouvelle, enfantine, ignorante, peureuse, la science, terrible alors, effroyablement dangereuse, dont ils seraient restés les uniques détenteurs? Ne concevriez-vous pas comme un crime odieux de mettre une cartouche de mélinite aux mains d'un enfant? Non, ces hommes ne livreraient aucun secret. Patiemment, à travers les siècles, dans le silence et la méditation, ils conserveraient et se transmettraient le mystère de la force psychique, du vril. Si cette expression, sans signification précise, vous paraît plus acceptable. De descendant en descendant, de disciple à maître, d'élève à initié, de sage à mahatma, il s'imposa la tâche aride et vraiment humaine d'attendre l'heure où il sera possible de remettre aux mains de l'humanité l'héritage de ses pères, intact. Pourquoi, demandiez-vous tout à l'heure à celle que nous avons jugée digne d'être une des héritières et des gardiennes de secrets du passé? Pourquoi ne les livrons-nous pas hardiment, franchement à tous, en plein soleil, par orgueil? N'aurions-nous pas, au contraire, dans l'étalage vaniteux de nos connaissances, mis l'occasion de provoquer l'étonnement et de conquérir la gloire? Par misanthropie, c'est le contraire qui est vrai. Car nous refusons de vous livrer la puissance à vous qui n'en feriez usage que pour la satisfaction de passions égoïstes. Osez dire le contraire, vous qui sacrifieriez l'humanité à un de vos caprices, qui s'en emparerait. Les exploiteurs qui trouveraient un moyen nouveau d'écraser les petits et d'opprimer les faibles. Est-ce à dire que nous prétendions à jamais les garder? Non point, car nous ne sommes que des dépositaires, mais dépositaires fidèles. Dès que la civilisation, répudiant ses traditions de violence et d'oppression, sera entrée dans la voie de l'humanité vraie, de l'accession de tous au bien-être, de l'altruisme raisonné, nous n'attendrons pas une heure pour remettre aux hommes le dépôt que nous aurons fidèlement conservé. Et alors même, ce ne sera pas sans quelque effroi, car c'est par l'exercice excessif de ces forces mêmes, dont nous révélerons tout le secret, que l'ancienne civilisation a péri. Mais nous espérons la justice éternelle qui est l'équilibre. Encore un mot. Les temps de la révélation, pour n'être pas immédiat, se rapprochent néanmoins. C'est pourquoi, depuis quelques années, nous consentons à ce que quelques disciples viennent à nous. Mais avec quelle précaution? Celui que nous appelons Sheila, l'élève, doit successivement renoncer à toute passion égoïste, éteindre en lui jusqu'au désir même de la gloire, de la fortune, du bonheur matériel. Le renoncement n'est rien, si le regret peut subsister. Alors seulement, quand nous avons acquis la preuve que des forces révélées, l'initié ne fera usage que pour le bien de l'humanité tout entière, nous en trouverons la porte du temple. M'avez-vous bien compris, mon frère? Si parfois nous permettons qu'une manifestation surprenante, en l'état de vos connaissances, vienne attirer l'attention des hommes, nous ne le faisons qu'avec une extrême prudence et en faveur de ceux en qui nous espérons trouver plus tard des collaborateurs dévoués et imprégnés du seul amour de l'humanité. Certains hommes, comme vous, sont doués de facultés qui leur rendraient plus facile, plus compréhensible, l'étude de nos mystères. Mais le plus souvent, ils s'enorgueillissent de ce qu'ils appellent leur force, infiniment petite émanation de la force vraie, et non ni la bonté ni la patience. Ils restent ce qu'ils sont, de simples étrangetés passagères. Vous-même, mon frère, prenez-y garde. Vous êtes arrivé à la connaissance du second degré du septenaire humain, à ce que vous appelez le corps astral. Certes, il y a lieu d'estimer en vous la persévérance et la méthode de l'effort. Si vous persistez, vous parviendrez à développer en votre corps astral des facultés de motilité, d'action même, que vous considérerez comme une puissance. Mais à quoi l'emploierez-vous, sinon à satisfaire votre tana, votre désir inassouvi de vivre en votre égoïsme? Prenez garde que cette force, inhabilement maniée, se retourne contre vous et ne fasse votre perte. J'ai dit, votre soumission même, à m'entendre, prouve à vos yeux que nous avons le pouvoir du bien et aussi la volonté. Adieu, mon frère. Sita et son frère viennent avec moi vers les régions de science. J'ai l'espoir qu'ils reviendront un jour porter dans le monde la parole d'universelle charité. Nous serons heureux que vous soyez dignes de les suivre. Maintenant, allez et dormez.